السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue On est dans le troisième cours de la série des cours qui porte sur le tafsir, l'explication de la partie Amma, de Juz Amma, de Surat An-Naba jusqu'à la fin du Coran. Et avant de commencer, Inch'Allah ou Ta'ala, j'aimerais vous lire un verset important ainsi qu'un bénéfice important qui montre l'importance d'étudier le Coran et notamment l'essence du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction approximative: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'ils méditent sur ces versets. Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans l'explication de ce verset, c'est-à-dire de méditer sur les sens et de chercher leur sens afin de les comprendre. Et chaque musulman doit faire l'effort de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout premier lieu, car c'est la base pour pouvoir le pratiquer par la suite, le mettre en pratique. Car on ne peut pratiquer le Coran sans la compréhension des sens. Le croyant doit prendre soin de la lecture du noble Coran et aussi la méditation de son sens pour qu'il puisse tirer bénéfice de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jal dit dans la traduction approximative: ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur les cœurs? Allah subhanahu wa ta'ala nous incite donc à le comprendre dans le but de le mettre en pratique. Donc, alhamdulillah, on a commencé par Surat An-Naba, la nouvelle. Donc maintenant, alhamdulillah, lorsque tu la lis, tu dois comprendre le sens pour ensuite le pratiquer. Et d'ailleurs, comme il est venu dans certaines paroles qui sont authentiques, que les compagnons ne dépassaient pas 10 versets. Sans les comprendre et sans les pratiquer. Ils ne mémorisaient pas 10 versets sans les comprendre d'abord et ensuite les pratiquer. Et ensuite, ils passaient à 10 autres versets. Que dire de nous alors? Donc, on voit l'importance, Inch'Allah ou Ta'ala, d'étudier l'explication, le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, on est toujours dans l'explication de Surat An-Naba. Et on était arrivé au verset numéro 37. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: Rabbi as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à la traduction approximative, du Seigneur des cieux et de la terre, et de ceux qui existent entre eux, le tout miséricordieux, il n'ose nullement lui adresser la parole. Naam. C'est-à-dire, leur Seigneur et celui qui leur a accordé ses dons, le Seigneur des sept cieux et des sept terres, car ici le mot terre, même s'il est au singulier, il veut dire ici hein, les sept terres, car Allah subhanahu wa ta'ala a créé sept cieux et sept terres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des sept cieux et des sept terres, le Seigneur de toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre et qui les dirige et contrôle, le Seigneur de ce qu'il y a entre ces cieux et la terre et de ce qui s'y trouve. Il est celui, subhanahu wa ta'ala, à qui appartient seule la souveraineté des cieux et de la terre. Le tout miséricordieux, ar-Rahman, celui dont la miséricorde est plus vaste que toute chose. Allah les a éduqués et leur a fait miséricorde. Les gens du paradis n'ont obtenu cette récompense que par sa miséricorde, comme on l'a cité hier. Et leurs bonnes œuvres, leurs œuvres pieuses, dans cette dunya, n'est qu'une cause qui te permet de rentrer au paradis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité son immensité et son royaume immense le jour du jugement, et que l'ensemble de ses créatures ce jour-là se tairont. Ils ne parleront pas. Il dit, ils n'osent nullement lui adresser la parole, sauf à celui à qui Allah a permis de parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Hud, verset 105, le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Fin du verset. Par son immensité. Allah aura choisi qui va intercéder pour l'honorer et il va choisir pour qui il va intercéder. Comme on va le voir dans le verset juste après. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. C'est-à-dire le jour où l'esprit, c'est-à-dire Jibril ici, alayhi salam, le plus immense et noble des anges, se dresseront, ainsi que tous les anges, ils se dresseront pour leur Seigneur de l'univers, soffen, en rang, c'est-à-dire soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se mettront en rang comme les musulmans aujourd'hui se mettent en rang durant la prière. Premier rang, deuxième rang, troisième rang. Personne ne connaît leur nombre excepté Allah, celui qui les a créés. Malgré le haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité qu'ils ont, ils ne parleront pas. Ainsi que les êtres humains ce jour-ci, sauf avec la permission d'Allah. Et qui dira la vérité. Donc il y a deux conditions. Avec la permission d'Allah et qui dira la vérité. Et parmi cette vérité, la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration en vérité si ce n'est Allah. Une parole de vérité agréée d'Allah. Comme l'intercession à qui Allah aura permis d'intercéder. Et pour ceux pour qui Allah a autorisé d'intercéder. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Taha, versets 108 et 109. Et les voix baisseront devant le tout miséricordieux, tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Ce jour qui est le jour de vérité, le jour du jugement, auquel il n'y a pas de doute, tout le monde le rencontrera. Le jour où la vérité du faux sera visible clairement. Le jugement sera fait en toute vérité et en toute justice. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. C'est-à-dire celui qui veut dans cette dunya, qu'il fasse de bonnes œuvres, qui lui profiteront le jour du jugement, qu'il prenne un bon refuge, un chemin agréé d'Allah, et pour qu'Allah l'agrée. Que celui qui veut prenne donc un refuge auprès de son Seigneur par obéissance et en délaissant ses interdits. Allah dit dans Surat l'obscurcissement, At-Takwir, versets 28 et 29, « Pour celui d'entre vous qui veut, suive le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. » Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une volonté. Et cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si Allah n'avait pas voulu, on n'aurait pas de volonté. On ne pourrait pas choisir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par sa sagesse que l'être humain, il a une volonté. Il a un choix, il choisit. Par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser ceux qui ont fait le bon choix. Et par sa justice, il va châtier et punir celui qui a fait le mauvais choix. Donc celui qui veut, prenne refuge auprès de son Seigneur. Et après avoir eu la connaissance de toutes ces choses, mes frères, mes sœurs, qui nous écoutent et qui vont nous écouter par la suite, Inch'Allah ou Ta'ala, après avoir eu connaissance de toutes ces choses, le jour de vérité, il est inéluctable. Le paradis est la récompense de ceux qui lui ont obéi. Et on a cité l'enfer, le châtiment de ceux qui ont désobéi. Donc prends refuge. Oh toi mon frère, ma sœur, prends refuge auprès de ton Seigneur en lui obéissant et en délaissant ses interdits. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ne fais pas ce qu'il déteste et qui le met en colère. Remets-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala seul et demande-lui la guider dans ce qu'il aime et agrée. Barakallahu fiku. Surtout dans ce mois de Ramadan béni dans lequel nous sommes. On doit profiter de cette occasion. Naam. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا. Dans la traduction approximative, nous vous avons averti d'un châtiment bien proche. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. C'est-à-dire ici que nous vous avons certes mis en garde. Nous vous avons fait peur, ô vous les gens, d'un châtiment qui est proche. Et c'est le jour du jugement, qui peut survenir d'un moment à l'autre, car tout ce qui arrive est proche. Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché son arrivée comme on l'avait cité, un terme fixé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché cela, car certes, notre intérêt est d'œuvrer, de faire de bonnes œuvres, de se préparer, et non pas de connaître son arrivée. Hein, le jour du jugement, il est proche. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où ils la verront, hein, il parle du jour du jugement, il leur semblera n'avoir demeuré à Fouane qu'un soir ou un matin. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Allahu Akbar. C'est comme si tu avais passé dans cette dunya, hein, un soir ou un matin. Donc le châtiment dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti est proche. Il n'y a rien entre nous et lui excepté la mort. Et la personne ne connaît pas quand il va mourir. Et c'est pour cela qu'il est obligatoire pour nous. Oh vous les musulmans, il est obligatoire pour nous d'avoir la résolution ferme, le désir ardent d'œuvrer, de faire de bonnes œuvres et de saisir l'occasion avant qu'il soit trop tard. Naam. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. Effectivement, toutes ses œuvres lui seront exposées. Le bien et le mal qu'il a fait dans cette dunya, il lui sera exposé. Il prendra son livre et connaîtra sa destination. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Fin du verset. Wa yaqulu al-kafir, et l'infidèle, le mécréant dira, ce jour-là, lorsqu'il regardera ce que ses deux mains ont préparé comme la mécréance qu'il a fait, l'association, l'égarement, la moquerie, il a traité de mensonge les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dira, Ya laytani kuntu turaba. Il souhaitera ce jour-ci n'être que poussière dans cette dunya. Il dira, si seulement je n'avais pas été créé ou ressuscité. Et cela lorsqu'il observera le châtiment d'Allah. Où il était dit aussi, lorsqu'il verra les animaux. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux pour rétablir la justice. Même les animaux auront un jugement. L'animal qui, comme il est venu dans les hadiths, dans les hadiths sahih, l'animal qui avait des cornes frappait injustement celui qui n'avait pas de cornes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des cornes pour le frapper, pour rétablir la justice, parce qu'il lui a fait une injustice. Et quand le jugement sera terminé, on leur dira, ces animaux, « Soyez poussière, et ils seront. » Car les animaux n'ont pas de paradis et ni d'enfer. Ce n'est pas comme les êtres humains. Donc à ce moment-là, lorsque le mécréant y verra cela, il dira, « Hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière comme ces animaux. » Mais ici, c'est un souhait qui est impossible. Naam. Et avec ça, walillah ilhamd, la louange est à Allah seul, nous avons terminé Surat An-Naba, la nouvelle. Et on commence directement, Inch'Allah ou Ta'ala, avec la Surat qui vient juste après, Surat An-Nazi'at, les anges qui arrachent les âmes. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة إلى آخر الله سبحانه وتعالى دي donc ici c'est une sourate Pré-hygérienne aussi, mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici par les anges. C'est-à-dire le waou ici, ce qu'on appelle en langue arabe waou al-qasam, hein, il jure. Wan-nazi'at, par ceux qui arrachent violemment. Et on va voir qu'il y a beaucoup de divergences par l'un des savants ici. C'est-à-dire par quoi Allah subhanahu wa ta'ala jure ici. Wan-nazi'at gharqa, wan-nashitat nashta, was-sabihat sabha. Car Allah subhanahu wa ta'ala jure sur ce qui est correct. Yani, jure que par ce qui a de la valeur. Hein, il jure des fois par ses signes et ses créatures pour montrer la grandeur de la création, comment il l'a créée. Ou bien il jure par ses créatures pour montrer la valeur même de ses créatures, comme ici justement les anges. Hein, les anges, comme on a vu, ils ont une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Ce sont des êtres créés de lumière qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il cite certaines descriptions des anges. Il dit, par ceux qui arrachent violemment. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par les anges qui arrachent les âmes, c'est-à-dire les anges de la mort, qui arrachent les âmes du corps. Et ici, le premier verset parle des anges qui arrachent les âmes des mécréants. Parce qu'on va voir que dans le deuxième verset, il parle des croyants. Donc là, il dit qui arrachent violemment, c'est-à-dire avec dureté et violence. Lorsque le kafir il va mourir, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner à l'ange, hein, aux anges, de lui arracher son âme avec dureté et violence. Allah nous en préserve. Et dans le deuxième verset, il dit Wan-nashitati nashta. Et par ceux qui recueillent avec douceur. Allah subhanahu wa ta'ala jure ensuite par ceux qui recueillent avec douceur, c'est-à-dire que les anges de la mort ici retirent, c'est-à-dire extraient les âmes des croyants avec douceur et rapidité et facilité. Comme il est venu dans beaucoup de hadiths. Naam. Was-sabihati sabha. Et par ceux qui voguent librement. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure dans ce verset par ceux qui voguent librement, c'est-à-dire les anges qui voguent, c'est-à-dire qui parcourent les airs en montant et en descendant par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté. Fas-sabiqat sabqa, puis s'élance à toute vitesse. Puis s'élance à toute vitesse. C'est-à-dire ce sont les anges qui se précipitent vers l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les anges ils devancent les enfants d'Adam dans le bien et l'œuvre pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit en les décrivant, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur ordonne, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent point trop grands pour l'adorer, et ne s'enlacent pas. Il exalte sa gloire nuit et jour et ne s'interrompt point. Donc ici, puis s'élance à toute vitesse. Pourquoi ici? Comme ils disent les mufassiroun, hein, ceux qui ont expliqué ce verset, c'est-à-dire il devance les shayatin, les diables, dans la transmission de la révélation au messager d'Allah. Afin qu'il n'écoute pas en la dérobant en cachette. Falmudabbirati amra. Et règle les affaires. Donc on parle toujours des anges. Ici, ce sont les anges également. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, leur a confié de gérer les affaires dans le monde céleste et terrestre. Chaque ange a une affaire, une mission précise. Il est chargé de quelque chose de précis. Jibril, alayhi salam, le plus noble des anges et le meilleur, est chargé de transmettre la révélation. Israfil, l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe. Mikaïl, qui est chargé de la pluie. L'ange de la mort. L'ange chargé de l'enfer. L'ange chargé du paradis. Les deux anges chargés d'inscrire les actions et bien d'autres choses. Donc chacun règle et gère ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Allah n'a pas besoin des anges pour gérer la création. Allah se passe de toute créature. Il est riche. C'est lui le riche. Mais cela nous montre encore plus la puissance et la grandeur d'Allah. Combien d'anges sont au service d'Allah? Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les dénombrer. Car il est puissant. Hein, c'est le puissant, le sage, subhanahu wa ta'ala. Yawma tarjufu rajifa. Le jour où la terre, on parle de la terre ici, on va le voir, tremblera. C'est-à-dire au premier son du clairon. C'est-à-dire le jour de l'heure. Hein, le jour du jugement. Le premier souffle dans la trompe. Ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Sauf ce qu'Allah voudra épargner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: le jour où la terre et les montagnes trembleront. Et on avait parlé des deux souffles. Déjà dans la sourate An-Naba. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit juste après: tatba'uha ar-radifa. Immédiatement suivi du deuxième. C'est-à-dire le deuxième souffle dans la trompe qui suit le premier. Tout le monde sera ressuscité de leur tombe. Et les voilà debout à regarder. Tous ceux qui sont dans les tombes se lèvent pour le jour du jugement. Un jour terrible, comme on a pu le voir. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: قُلُوبٌ يَوْمَ إِذٍ وَاجِفَةٌ. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, de peur. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il dit... C'est-à-dire, il y aura des cœurs terrifiés de peur ce jour-là. C'est-à-dire inquiets et agités. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Ghafir, le pardonneur, verset 18: et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges terrifiés. Subhanallah. Naam. C'est-à-dire l'immense peur ici qu'ils auront peut atteindre leur cœur, yani atteindra à fois leur cœur de cet événement qui est terrible et immense. Abasaruha khashi'a. Et leurs regards se baisseront. Naam. C'est-à-dire humiliés, rabaissés. Ils ne pourront regarder avec force. Impossible. Mais ils baisseront leurs yeux, car leur cœur sera rempli d'effroi et de peur, ainsi que par les remords, par les regrets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Ash-Shura, la consultation, verset 45: et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, dans l'humiliation, et regardant d'un œil furtif. Ils ne pourront regarder avec force. Allahu al-musta'an. Yaquluna a inna la marduduna fil hafira. Ils disent: quoi? Serons-nous ramenés à notre vie première? C'est-à-dire les mécréants aussi, les associateurs, ceux qui traitaient de mensonge la résurrection, disent dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'on leur dit: certes, vous allez être ressuscité après la mort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur montrer cela, leur expliquer cela, ils diront quoi ? Il disait ici quoi, Afwan ? Serons-nous ramenés à notre vie première ? Serons-nous vivants après notre mort ? Quand nous serons ossements pourris ? Aïda kunna ivaman nakhira ? Quand nous serons ossements, des os pourris, c'est-à-dire des os qui sont usés, vieux, pourris, en miettes, ils seront en décomposition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Yassine, il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. خاسرة. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que leur retour lors de la résurrection sera ruineux. Ils seront perdants. Ils disent, si nous sommes ressuscités après la mort, nous serons parmi les perdants, car nous ne nous sommes pas préparés à cela. Et quel retour plus ruineux que leur retour ? Ils seront ressuscités puis iront en enfer. Quel mauvais retour ! Quel plus perdant retour ! Et on finit sur le dernier verset, inshallah ta'ala. Ou c'est les deux derniers versets. فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Il n'y aura qu'une sommation. Il n'y aura qu'une sommation. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa capacité parfaite et que rien ne saurait réduire son autorité et que cela est simple pour lui. Il dit, il n'y aura qu'une sommation, c'est-à-dire ici, le deuxième souffle dans la trompe. فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ. Le cri qu'ils entendront. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Qaf, verset 42, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. Et il dit dans Sourate Yassine, verset 51, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis. Et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri. Et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. C'est-à-dire que toutes les créatures se trouveront sur la surface de la terre debout. Ils regarderont. Allah subhanahu wa ta'ala les réunira tous et jugera entre eux en toute équité et les rétribuera. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Ibrahim, verset 48, au jour où la terre sera remplacée par une autre. De même que les cieux et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et il dit dans Surat Al-Kahf, la caverne, verset 47, le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine et nous les rassemblerons sans omettre un seul. Allah subhanahu wa ta'ala les réunira tous et il jugera entre eux en toute justice et ils seront rétribués. Naam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hal ataka hadith Musa. le récit de Moïse t'est-il parvenu? Et on continuera, inshallah ou ta'ala, radan, demain, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khayran, wa baraka fikum, wa ila liqa'ina ghadin, inshallah ou ta'ala, ghadan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.